Ici la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6. Je te salue cordialement à ce programme en te souhaitant la bénédiction de Dieu. Jésus est la lumière des hommes. Il ne brille pas pour lui-même et ne magnifie pas son nom. Il brille plutôt dans notre intérêt. Nous ne sommes pas des sources de lumière, mais de ténèbres. Tous les hommes sont méchants, mais Christ nous éclaire, afin que nous puissions le connaître et prendre conscience de notre condition de pécheur. Par son évangile, nous ressuscitons des morts et entrons dans la vie éternelle. Christ nous attire et nous appelle par la lumière de sa vie à quitter notre état désespéré. Nous nous approchons de lui avec détermination et confiance. Prière. Seigneur Jésus, nous nous inclinons devant toi, parce que le Père, le Saint-Esprit et toi vous êtes saints. Tu as créé le monde en harmonie avec le Père. Tu m'as donné la vie. Pardonne-moi mes péchés et éclaire-moi par ton Saint-Esprit afin que je puisse vraiment vivre, quitter mes ténèbres et m'approcher de la lumière de ta vie éternelle. Question 7. Quelles sont les 6 caractéristiques de Christ que Jean présente au début de son évangile? Jean 1, 5. 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Tout est lumière et pureté avec Dieu. Là où il exerce son influence, rien n'est sombre. Tout est clair, droit, vrai et saint. L'impureté ne trouve aucune place près de lui. Le Saint-Esprit est pur et la lumière du Seigneur ne brille pas violemment, mais doucement. Elle réconforte et guérit. Les rayons de la lumière de Christ ne sont pas confinés aux cieux. Il transperce les ténèbres et offre la rédemption. C'est une grâce merveilleuse de savoir que Christ brille aujourd'hui au milieu des ténèbres. Il n'abandonne pas les perdus, mais les libère et les éclaire. Nous devons reconnaître l'existence du monde des ténèbres opposé au monde de la lumière. Nous ne savons pas exactement comment les ténèbres se sont produites. L'évangéliste Jean ne nous a pas révélé ce secret. Il voulait que nous parvenions à connaître la lumière sans nous attarder sur les ténèbres. Tous les hommes et toutes les créatures sont tombés dans les ténèbres et le monde entier vit sous l'empire du mauvais. Vous vous demandez peut-être, si Christ a créé l'univers en harmonie avec Dieu et comme quelque chose de bon, comment les ténèbres ont-elles réussi à s'y introduire? Dieu a créé les hommes à son image. Comment se fait-il que nous décevions sa gloire aujourd'hui? Jean ne mentionne pas le nom de Satan, ce Satan qui a désobéi à l'Éternel et essayé d'éteindre sa lumière. Il a toujours été contre Christ. Par conséquent, il a perdu la lumière qui lui avait été donnée. Satan est devenu orgueilleux et a cherché la grandeur sans Dieu. Il voulait s'élever au-dessus de lui afin de le vaincre. C'est ainsi qu'il est devenu le prince des ténèbres. Chers frères, quel est le but de votre vie? Cherchez-vous la grandeur, la célébrité et votre propre satisfaction sans Dieu? S'il en est ainsi, vous faites alors partie de ceux qui sont dans les ténèbres, comme le mauvais. Car il n'est pas resté seul, il a attiré des millions de personnes à lui. Regardez les visages des gens que vous croisez dans la rue. Voyez-vous la lumière ou les ténèbres dans leurs yeux, leur cœur? Reflète-t-il la joie de Dieu ou la tristesse de Satan? Le malin est Dieu parce que sa sainte lumière le condamne. Il ne veut pas que la lumière mette à jour sa férocité. Il se cache et essaye de vaincre Christ et ceux qui suivent sa lumière, Ce traître ne peut pas supporter la lumière du Seigneur et la hait. Il cache volontairement son visage et ne peut donc pas percevoir la lumière. Ce qui est effrayant, c'est que des millions de personnes ne voient pas le soleil de Christ alors qu'il brille dans la nuit de leur péché. Nous connaissons tous le soleil. Il n'est pas nécessaire de l'expliquer. Il est présent, lumineux, il brille et rayonne. Chacun sait qu'il est la source de la vie. La plupart des hommes et des femmes ne perçoivent pas la gloire de Christ et sa puissance parce qu'ils ne veulent pas chercher à la comprendre. Des idéologies trompeuses les aveuglent, telle une épaisse couverture, et les poussent à rejeter le vrai message sur la divinité de Christ. En réalité, ils refusent de reconnaître leurs propres péchés. Ils ne veulent pas s'approcher de la lumière et préfèrent rester dans les ténèbres. Ils ne se renient pas et ne confessent pas leurs péchés. Ils deviennent arrogants et orgueilleux. Ils restent aveugles à la grâce de la lumière de Christ. Les ténèbres s'opposent à la lumière, mais la lumière les transperce grâce à l'amour. Où vous situez-vous? Dans la lumière du Seigneur ou dans les ténèbres du malin? Prière. Ô Seigneur, tu es la lumière du monde. Je te suis par la foi et dans ton amour. Je ne marche pas dans les ténèbres, mais j'ai reçu la lumière de la vie. Je te remercie parce que tu ne m'as pas laissé seul, dans la peur des ténèbres et de la colère de Dieu, mais tu m'as appelé à ta lumière étincelante. Éclaire ceux qui m'entourent et qui ne te voient pas, malgré le fait que tu brilles autour d'eux. Seigneur, aie pitié de moi et remplis-moi de ta lumière. Question 8. Quelle est la différence entre la lumière et les ténèbres dans le sens spirituel du mot? 2. Le Baptiste prépare le chemin de Christ. Jean 1, 6 à 13. Jean 1, 6 à 8. 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Dieu envoya Jean-Baptiste dans le monde, afin d'appeler les hommes à venir vers les rayons de la lumière divine. Chacun sait que bien des péchés sont commis dans le noir, mais celui qui confesse sa culpabilité devant Dieu, d'un cœur repentant et brisé, vient à la lumière. Qu'en est-il de vous? Êtes-vous venu à la lumière, ou êtes-vous encore en train de vous cacher dans les ténèbres? Le Baptiste révéla la condition du cœur des hommes. Par rapport à la loi de Dieu, tous les hommes sont mauvais. Ils ont besoin de repentance et d'un changement complet afin de ne pas périr au jour du jugement du Seigneur. L'appel du Baptiste toucha les foules qui coururent vers celui qui appelait à la repentance dans le désert. Ils confessèrent leurs péchés publiquement et demandèrent le baptême dans le Jourdain comme symbole de la purification de leurs péchés, noyant leur égoïsme dans le fleuve et émergeant à une vie nouvelle. Dieu a choisi Jean-Baptiste, il l'a inspiré et envoyé pour ramener les hommes à la raison, pour les amener à changer leur manière de penser et à se préparer à la venue de Christ. Les gens de l'Ancien Testament étaient bien informés sur celui qui vient au nom du Seigneur. Le prophète Ésaïe dit de lui, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Ésaïe 9, 2. Il dit aussi au nom du Seigneur, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Ésaïe 60, 1. Le Baptiste enseigna que la venue de la lumière au milieu des ténèbres n'était pas destinée uniquement au peuple de l'Ancien Testament, mais qu'elle est disponible pour tous. Ainsi, le message du Baptiste est adressé au monde entier et les peuples d'Asie mineure et des régions autour de la mer Méditerranée l'ont suivi pendant des années après sa mort. Des milliers de personnes suivirent Jean-Baptiste, malgré le fait qu'il avait affirmé ne pas être lui-même la lumière, mais un héros envoyé devant elle. Il n'amenait pas les gens à lui, mais les conduisait à Christ. C'est le signe évident de tous les messagers authentiques de Dieu qui n'attachent pas leurs disciples à eux-mêmes, mais à Christ seul. Le but du service de Jean n'était pas la repentance et le baptême, mais la foi en Christ. Il savait que les gens espéraient qu'il se présenterait comme étant lui-même le Christ, mais il ne cédait pas à la tentation et prépara le chemin pour le Seigneur. Il savait que celui qui allait venir baptiserait les gens du Saint-Esprit. Jean savait aussi qu'une repentance psychologique ne suffisait pas du tout. Même si la personne se faisait baptiser pour la rémission de ses péchés, il n'ignorait pas que nous avons tous besoin d'un renouvellement complet de notre être intérieur. Dieu ne lui a pas conféré l'autorité de changer les cœurs, ni à aucun des prophètes de l'Ancien Testament. Ce privilège était réservé à la lumière originale qui crée, à la parole qui donne vie et renouvelle une personne avec son autorité lorsqu'elle croit en son nom et s'ouvre à sa lumière. De cette manière, Jean conduisit de nombreuses personnes à la foi en Christ, sachant que la foi seule les transportera dans une nouvelle ère. Apollos était un philosophe ardent et zélé qui suivait l'enseignement de Jean-Baptiste. Il parla de Christ sans avoir vraiment expérimenté la lumière de la nouvelle alliance. Mais lorsqu'il se donna à Christ, la lumière entra dans son cœur et il devint une lumière pour le Seigneur et un phare dans la nuit. Il éclaira de nombreuses personnes. Actes 18, 24 à 28. Prière. Ô Jésus, nous louons ton nom et te remercions, car tu es la lumière du monde, et l'espérance pour les misérables. Tu as éclairé les ténèbres de notre cœur, révélé notre péché, et tu les as pardonnés. Merci d'avoir fait de nous tes enfants de lumière, et de nous avoir libérés pour la vie éternelle. Que les rayons de ta lumière éclairent nos amis et nos parents, afin qu'ils expérimentent la vraie repentance et entre par la foi dans ta merveilleuse lumière. Question 9. Quels sont les buts principaux du service de Jean-Baptiste? Si tu as des questions ou bien si tu veux réagir à cette émission, je t'invite à nous écrire à l'adresse suivante. L'eau de la vie, Waters of Life, boîte postale 600513 à 70305, Stuttgart, Allemagne. Si tu as accès à un ordinateur, tu peux écrire à notre adresse e-mail info@waters-of-life.net. Si tu nous écris, nous sommes prêts à t'envoyer un petit livre cadeau. N'oublie pas d'ajouter ton nom et ton adresse complète, lisiblement écrit. C'était la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6.